Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin le 6 septembre, et nous commençons un des chapitres, je dirais, les plus importants dans l'histoire de l'Église. À partir de ce jour, les personnes qui sont présentes dans ce lieu vont avoir leur vie transformée, changée, pour toujours, et pour le mieux. Et je sais que dans ce texte-là, on s'adresse particulièrement aux 120, mais avec les semaines, les mois qui vont venir, nous allons voir que ça s'adresse aussi à chaque enfant de Dieu qui vient au monde spirituellement. Donc, dans ce chapitre 2, c'est le début de l'Église et c'est très important qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Essayez. Je vais vous essayer de vous aider à ne pas interpréter le texte avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on va essayer de se mettre dans la peau de Luc et de Théophile et de vraiment ce qui s'est passé. Et on va laisser le texte nous dire, nous décrire ce bel événement qui a changé par la suite la face de la terre, si je peux dire ainsi. Mais on va commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes de tes enfants, nous disons que nous sommes été des élus, nous avons été choisis, nous disons que nous avons l'Esprit Saint, mais nous voulons regarder ce matin un peu d'une façon peut-être nouvelle, mais d'une façon en tout cas fraîche. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette journée-là? Et comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nous aujourd'hui? Mais donne-nous premièrement de voir ce que tu voulais nous dire à travers Luc, ton instrument pour nous écrire ces quelques passages. Donc que ton esprit nous guide ce matin, sans lui nous ne pouvons rien comprendre des Écritures. Amen. Donc au verset 1 du chapitre 2, nous sommes le jour de la Pentecôte. 50 jours après la Pâque, 10 jours après le départ de Jésus, et c'est l'ouverture de l'Église, c'est le premier jour officiel, je dirais, de l'Église. Et il nous est dit au verset 1 qu'ils étaient tous ensemble, on pense que c'est les 120, qu'ils étaient tous dans le même lieu, dans la chambre haute, où est-ce qu'on voit qu'ils se tenaient depuis une dizaine de jours, dans la prière, dans l'attente du Saint-Esprit, comme Jésus avait dit, ne partez pas de Jérusalem, vous allez recevoir une puissance d'en haut, survenant sur vous, et c'est aujourd'hui, ça va se passer dans ce que nous allons lire ensemble ce matin. Ce texte, pour bien le comprendre, va aller du verset 1 jusqu'au verset 21. Je ne sais pas si on va avoir tout le temps de le voir aujourd'hui, mais on va faire ce qu'on peut dans les 20 minutes que nous avons. Maintenant, premièrement, nous allons lire qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite on va laisser Pierre nous interpréter ce qui s'est passé. N'essayons pas d'interpréter avec ce qu'on a entendu, ce que nos pasteurs nous ont prêché, ce que nos amis nous ont dit, ce qu'on a comme expérience, mais nous devons laisser Pierre nous dire, nous interpréter qu'est-ce qui vient de se passer dans ce texte-là, dans cette journée-là, excusez. Lisons d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude s'accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui étaient de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » C'est ce qui s'est passé. Maintenant, essayons de voir simplement la description que Luc fait. Donc, pendant qu'ils sont ensemble, c'est la Pentecôte, dont on a vu ça au verset 1. Il y a des centaines de milliers de Juifs qui sont venus de par le monde, ils sont là. Et c'est pas pour rien, je crois, que Dieu a choisi cette journée-là pour commencer l'Église. Et là, pendant qu'ils sont réunis ensemble, il y a un grand vent, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Ce n'est pas un vent impétueux, mais c'est un bruit comme. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pour bien comprendre, le mot « esprit » dans la langue originale, c'est le même mot que pour le mot « vent ». Moi, je dirais que c'est l'arrivée de l'Esprit-Saint dans la maison. C'est comme un vent impétueux, une puissance qui s'en vient dans la maison et remplit la maison de où ils étaient assis. Ce bruit-là a rempli la maison, comme ce bruit-là, c'était pas un bruit, c'était pas un vent. Donc, il y a quelque chose qui a rempli la maison. Mais, vu que c'était pas du vent, il y a rien qui revolait. Les feuilles revolaient pas, les rideaux revolaient pas, il y a rien, là, qui était déplacé par cela. Mais, ça a dû les impressionner pas mal. Parce que c'est impétueux. Et on sait comment ça peut être bruyant du vent. Et en même temps que ce vent, qui était impétueux, il y a des langues de feu, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, un autre phénomène, c'est que des langues de feu, comme des langues de feu, ce n'est pas du feu, les cheveux n'ont pas pris en feu, ça ressemblait à des langues de feu. Et il y en a eu une sur chacun d'eux. Tous ceux qui étaient là, sans exception, si c'était les 120, toutes les 120 en avaient. Si c'était juste les 12, toutes les 12 en avaient. Mais peu importe, tous ceux qui étaient là en ont eu sans exception. Et ça, c'est le phénomène qui va attirer les foules. Ce bruit-là est assez précis pour attirer des foules à un endroit bien précis. Est-ce qu'ils ont eu l'aide de Dieu pour y aller? Peut-être. Mais c'est un phénomène. Les gens ont entendu un bruit et ils se sont dirigés vers le bruit. Ceux qui étaient plus près ont vu que ça venait de cette maison-là. Ils sont allés vers ça. Et au verset 4, c'est marqué, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça, c'est l'autre phénomène. L'Esprit Saint remplit, il a rempli la maison. S'il a rempli la maison, ceux qui sont dedans sont remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a envahi leur vie, leur être. Ils sont baptisés, comme on dit, quand on dit que le mot baptême veut dire immerger. Si l'Esprit a rempli la maison, mettons qu'on la remplirait cette maison d'eau, ceux qui sont dedans sont baptisés dans l'eau. Si on remplit l'Esprit, la maison de l'Esprit, ceux qui sont dedans sont baptisés dans l'Esprit. Et ils se mettent à parler de diverses langues, chacun selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est important de comprendre ici, là. Chacun parlait une langue différente. C'est pas qu'ils ont tous parlé la même langue et que l'Esprit a fait comprendre à tout le monde la langue de leur langue maternelle, mais ici le texte dit que chacun parlait dans une langue différente, selon ce que l'Esprit avait décidé. C'est pas ce que chacun voulait faire, voulait dire, mais ce que chacun était dirigé par l'Esprit Saint. Donc, c'est la première fois qu'on va rencontrer l'expression « rempli du Saint-Esprit ». Ça s'est fait souverainement. Les apôtres ou les gens qui étaient là n'ont rien fait pour être remplis. C'est important qu'on comprenne ça, parce que des fois, on se fait encourager d'être rempli du Saint-Esprit par toutes sortes de choses qu'on peut faire ou ne pas faire. Mais ici, la première fois qu'ils sont remplis, c'est une action souveraine. L'Esprit Saint rempli, ça veut dire qu'il vient dans l'être humain et il remplit l'être humain. Souvenons-nous, c'est une personne, l'Esprit Saint. Il va remplir l'être intérieur, le cœur, l'esprit, peu importe comment ce qu'on le nomme, mais il remplit l'être humain de sa présence. Et cette action-là de l'Esprit les a poussés à parler dans d'autres langues. Donc c'est l'Esprit qui les a conduits à faire ça. C'est carrément un miracle. OK? Carrément un miracle. Donc, ceux qui étaient dans la ville, ces hommes qui étaient venus fêter la Pentecôte, des hommes pieux, des hommes religieux, des hommes qui croyaient en Dieu, des Juifs pratiquants, ils viennent vers la maison et ils entendent. Comment se fait ça qu'on les entend parler dans nos propres langues maternelles? Comment c'est ça? C'est tout des Galiléens, ça. Comment ça qu'ils parlent? Je suis pas mal certain qu'ils n'auraient pas d'accent. C'est moi qui dis ça, là. Parce que quand le Saint-Esprit fait quelque chose, il le fait bien, il le fait parfaitement. Il leur a donné de parler en langue, et les gens comprenaient. Ils disent, ils parlent de notre langue maternelle. C'est tous des Galiléens. Comment ça se fait? Et là, il y a un homme, plusieurs, je pense que c'est 16 ou 17, si je me souviens bien, plusieurs langues maternelles. Si chacun parlait une langue différente, mais il était plus que 12. Il était plus que 12, parce qu'on voit 16 ou 17 langues qui dorment ici. Et il ne parle pas de la température, il parle des merveilles de Dieu. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont pleins d'étonnement. Et d'autres, pour se moquer, disaient, sont un peu ivres, sont un peu chauds, sont pleins de vin doux. Ça, c'est l'événement. Un miracle pur et simple, fait par l'Esprit Saint qui arrive. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en cachette. C'est un fait historique. N'importe qui était là dans la ville, que c'est croyant ou pas croyant, ont entendu le bruit. Je ne sais pas ici que quand ils sont arrivés là à la place, est-ce que les langues de feu étaient encore là? Je ne le sais pas. Le texte ne le dit pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je ne crois pas qu'ils étaient là maintenant, parce que les gens qui sont venus de la foule, des milliers, parce qu'il va s'en convertir 3000, donc des milliers qui sont venus, et je pense qu'on l'aurait mentionné. Il n'aurait pas juste mentionné le parlant en langue, il aurait dit, mais qu'est-ce que c'est ça que ces langues de feu-là? Je crois que les langues de feu, pour moi, sont un signe pour les 120, s'ils sont à 120 là. C'est pour un signe pour que ceux qui sont là voient que tout le monde reçoit le même Esprit Saint, la même action. Et je crois que tout le monde parle en langue pour qu'on voit que tout le monde ait reçu l'Esprit Saint, ont été baptisés. Vous me suivez? Et le parlant en langue, on va voir l'interprétation que Pierre va en donner un peu plus loin, c'est pour les gens qui viennent voir. Donc, c'est pour ça qu'ils continuent à parler en langue quand les inconvertis sont là, quand les Juifs sont là. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Je ne veux pas rentrer dans l'interprétation de Pierre parce que notre temps va s'écouler. Mais le Saint-Esprit est venu d'une façon souveraine. Cette journée-là, c'est lui qui l'a choisi. Et on voit qu'il est donné à tout le monde sans exception, apôtre et non-apôtre. On voit aussi qu'il remplit les gens de sa présence. Et le signe qui ont été remplis du Saint-Esprit, ici, c'est le parler en langue. Dans cette journée-là, quelqu'un qui n'aurait pas parlé en langue, il serait posé des questions, il aurait dit, « Oups, comment c'est ça que moi, je ne parle pas en langue et tous les autres parlent en langue? » Il y aurait eu de la discrimination spirituelle. Ici, tout le monde parle en langue, tout le monde a la langue de feu sur eux autres. Tout le monde est rempli. Ce que j'aimerais juste mentionner, on en reparlait plus loin, on en parlait souvent. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle. C'est quelque chose qui arrive, selon ma compréhension, une fois dans la vie du croyant. Et cette fois-là dure pour toujours. Je crois que le croyant est rempli le jour où est-ce qu'il est baptisé dans l'Esprit. Il est rempli de l'Esprit pour toute sa vie chrétienne. Et cette densité, cette plénitude de l'Esprit ne varie pas. Parce qu'elle ne dépend pas de l'être humain. Elle ne dépend pas des Juifs ici. Elle dépend des apôtres aussi ou des chrétiens. Personne n'a fait quoi que ce soit pour être rempli et c'est souverain. Personne n'a fait quoi que ce soit pour parler en langue, ça a été souverain. Donc, peu importe ce qui va se passer après, il faut se rappeler ici que c'est un acte souverain de Dieu. Le bruit, les langues de feu et les langues parlées. C'est tout souverain. Donc, il ne faut pas penser qu'après cela, il faudrait penser, si tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, il faudrait que tu sois rempli de Saint-Esprit. Puis là, on mélange rempli de Saint-Esprit avec attrister le Saint-Esprit, ne pas éteindre le Saint-Esprit. On mélange ça. Ça n'a pas rapport tout à fait. Ici, toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit est remplie et parle en langue. Et on va voir ensuite, est-ce que toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit et qui est remplie du Saint-Esprit va parler en langue? On va voir ça plus loin. Mais ici, c'est le cas. Rappelons-nous, c'est un acte souverain. C'est Dieu qui met le Saint-Esprit dans quelqu'un, qui le remplit et qui lui donne des capacités par la suite. On va voir ensemble plus loin si le parler en langue est pas tout le temps, mais si le parler en langue, c'est un effet d'être rempli. C'est pas un effet de sainteté, c'est pas un effet d'obéissance, ce n'est pas l'effet d'une prière, ce n'est pas l'effet d'une imposition des mains, ce n'est pas rien qui vient de l'homme. Ça vient de Dieu. Donc, nous allons voir l'interprétation de Pierre de ce moment-là, parce que il y a une raison bien spéciale. Parce que ça aurait pu se passer dans le silence, dans la chambre haute, et personne ne se serait aperçu de rien et avait été baptisé et rempli de Saint-Esprit pareil. Mais il y a une raison, là. Il y a une raison bien importante qu'on va voir demain. Pourquoi Dieu a fait de ce moment quelque chose de spectaculaire? Quelque chose que tout le monde dans Jérusalem va savoir que ça s'est passé. Notre Père du ciel, merci que tu nous as ramené 2000 ans en arrière et nous avons, par le biais de Luc et de Théophile qui a reçu cette lettre, nous avons assisté à la première fois où est-ce qu'un être humain a été baptisé du Saint-Esprit. Et on en voit les effets tout de suite. Ils se mettent à parler en langue. Ils se mettent à faire des choses impossibles à l'être humain. Ils se mettent à dire des choses qui sont impossibles à l'être humain. Ils sont des miraculés, si je peux dire ainsi. Tu as un but, et c'est ce que nous voulons savoir. Et Seigneur, c'est le début, tu l'avais promis, tu as accompli ta promesse. Nous te louons, nous te glorifions parce que tu es un Dieu de parole. Ça faisait des millénaires que tu avais parlé de la venue du Saint-Esprit. Les prophètes en avaient parlé. Jean-Baptiste en avait parlé. Jésus en avait parlé. Et c'est arrivé maintenant. Donne-nous de bien comprendre dans les chapitres qui vont venir pourquoi tu as fait cela. Et c'est au nom de cet Esprit Saint que nous te bénissons et que nous te glorifions. Amen.